Je le promets, nous partirons sans bien savoir où nous irons. Où nous irons. Je vois déjà dans ses brancards mon beau cheval prêt au départ. Au départ. Fraîchement rebâti, je vois briller le cabriolet sous les gros sapins où les oiseaux font violer. Partons sans perdre de temps. Votre cocher, mesdames, vous attend. Jamais cocher ne fut aussi charmant. Pardon, pas d'un petit poney qui trotte dans les genêts dès l'aube du jour qui naît. Qui trotte vers l'aventure, qui trotte le petit poney. Pardon, au bruit joyeux des grelots dont le joli trémolo s'envole à tous les échos. Qui trotte vers l'aventure, qui trotte sur les grelots. Pardon. Adieu le vieux donjon cerné de lierre et de pigeons. Adieu le presbytère ou le curé, dit son pater. Adieu, lisons. Adieu, Susan. Compagne Susan, des compagne belles saisons. Partons en quête de vrai bonheur. L'amour chante dans nos cœurs. Au pas d'un poney mon cœur. Et trotte vers l'aventure. Emporte-nous vers le bonheur. Comme il fait doux, comme il fait beau, nous camperons au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Et pour dîner, nous pêcherons une friture de goujons. De goujons. De son œil de poêle, la lune enfin nous animera. Le chant de sa foi dont le parfum nous endormira. Tombera pour un seul oreiller. Déjà, je me sens tout ensommeillé. Je crois, cocher, qu'il faut vous réveiller. Pardon, pas d'un petit poney qui trotte dans les genêts dès l'aube du jour qui naît. Il trotte vers l'aventure, il trotte petit poney. Pardon, au bruit joyeux des grelots dont le joli trémolo s'envole à tous les échos. Il trotte vers l'aventure, il trotte sur les grelots. Pardon, adieu le vieux donjon cerné de lierre et de pigeons. Adieu le presbytère ou le curé, dit son pater. Adieu, lisons. Adieu, Susan. Compagne des belles saisons. Pardon, en quête de vrai bonheur. L'amour chante dans nos cœurs. Au pas d'un poney mon cœur. Et trotte vers l'aventure. Emporte-nous vers le bonheur. Partons. Au pas d'un petit poney. Et trotte, trotte, et trotte, trotte, à l'ensemble. Partons.